tant que président de la République, je veux dire que je suis fier de cette télévision. 3, 2, 1, 0. And now, ladies and gentlemen, we have ignition. Come on! Come on! Fuel supply is okay. Yo! Okay. Yo! We observe the trajectory here as being on track. Si tu savais comme j'en ai marre, me poser devant des feuilles, décrire ce triste monde et s'en décoller du sol. On me dit que je déconne, mais nos vies ressemblent à rien. On est sincère qu'avec l'alcool et on se sert quand on n'a rien. Égalité, fraternité ne marche pas avec le bif. Instrumentalisé, ce qu'on avait comme objectif, le kiff d'un monde sincère et pisse. On s'est trompé de scénar, on a mal lu le synopsis. On regardait que les stars et des vents de fumée noire, tous punis par vos conneries. À force de rêver en dollars, on a perdu bien trop de vie. On déconne, on le sait tous, c'est moralisé tout. Décolle avec un souffle, dans la merde, on y est tous. Moi aussi j'aimerais y croire, mes pensées ne suffit pas. Me bouger le cul pour mes frères, je voudrais passer le pas. Penser d'agréable à utile, bien hostile, imperméable, maléable, donc c'est possible. Je suis ciblé, désagréable, on parle trop pour ne rien dire. On est gros, on se croit d'art, c'est tellement mieux un sourire. Quand on te parle de couleur noire, on s'égare avec nos cages. Tous ces murs qui barrent les gens, c'est sur nos fautes, sont à la page. C'est sur les autres qu'on met l'accent. On cabale tous en solitaire, chacun sa mère jusqu'à la mort. Et on devient tous solidaires, son prochain vit notre sort. J'opère un thème tellement décrit, et puis écrit par nos ancêtres. En manque d'être, on veut l'avoir. Et à nous voir, on y est presque. Dire au revoir pour un décès. Claquer du pif jusqu'à l'excès. Pour le numéro d'un mort. Au chrysanthème, on a l'accès. On accepte sans un accord. Picaille au corps à corps. Les armes font vomir. Elles protègent pas, elles font des morts. Kuchu dans la planète. Essaye des vies de l'axe. Un pas du mal et bien. Et son impact quand il se passe. Trop de couleurs dans les yeux. Trop de haine dans la mémoire. Trop de douleur dans les deux. Et trop de dieu pour un espoir. Trop de mots pour un couplet. Les mots de trop. Trop pour les couplets, trop de flow qui les doublait, le flow de trop qui les coupait. Trop d'inspire pour un seul thème, c'est un moral qui fait des siennes. Trop de vies qui sont sous terre, et trop de morts pour un système. Le peuple qui se révolte, les batailles sont dans nos rues. Faire le match autour d'une table ne serait pas une balle perdue. Ça prolonge et ça perdure, on s'en fout de ton faciès. Rien à foutre des origines, la politique d'un peuple en liesse. Vos états sont rien sans nous, à genoux là est ta place. Prépare-toi à en pâtir, si tu renies la population. Si tu craches sur la terre-mère, que tu saches que c'est la merde. Vous faites chier avec vos haines, ce racisme envers tes frères. Trop de sondages dans les têtes, trop de fêtes pour le FN. Trop de haine qui nous entête, et trop de paix que l'on interne. Trop de C dans les narines, et trop de mines dans les JT. Trop de films sur les nazis, et on oublie que c'est passé. C'est la pousse et du mal-être, trop de prêtres qui ont poussé. Tous ces guignols sont dépassés, dépensent des vies sur le passé. Toutes ces vestes qui se retournent, toutes ces fesses qu'on la retourne. Trop de cul qui nous rend fous, en font des culs jusqu'à la bourre. Tant de pub pour un anus, trop d'homophobes qui ne se tuent. Trop de PD dans votre monde, vous nous faites chier avec vos culs. Peu de révolte en finale, on fait le monde et on s'efface. On a peu de fierté en fait, à se regarder dans la glace. Un gros couplet pour Babylone, et pour tous ceux qui déconnent. Je n'ai pas la prétention de me sentir comme un homme. Gros couplet pour cette violence, qui s'accouple avec la France. On veut juste la délivrance, de la malchance pour la violence. We have ignition. Come on! Come on! Fuel supply is okay. Yo! It's okay. Yo! We observe the trajectory here. Yo! And it's track. Come on! Just like your control. Je suis très amoureux de toi, Lucie. Moi aussi. Je t'aime, Mathias.